بسم الله الرحمن الرحيم. الدعوة السلفية باليمن. على plaisir de vous présenter. On commence aujourd'hui ces دروس ان شاء الله في آداب المعلمين والمتعلمين للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمة الله عليه. Par Mounir ibn Ahmad al-Maghribi, hafidhahullah ta'ala. Cours numéro 5. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد هنزال في قراءة هذه الرسالة النافعة للإمام العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمة الله عليه وهي رسالة نافعة مفيدة لطلبة العلم فأوضح الطريق رحمه الله وأبين المنهجية الصحيحة لمن أراد نيل الدرجات العليا في هذا الشأن أي في العلم الشرعي. Donc on continue la lecture de cette risala. C'est une risala profitable sans aucun doute. لأن le sujet il traite un sujet مهم أي le comportement du طالب العلم, la façon, la manière il doit se comporter avec son shir, avec son mudarris, avec ses frères. Kadalik, il explique la méthodologie, comment apprendre. Et le dernier chapitre qu'on a lu, ça concernait l'alim, le mudarris. Et le comportement ou la façon d'enseigner. ماذا استفدنا من كلام الشيخ سعدي رحمه الله عندما أن celui qui veut faire profiter de son علم أي l'enseignant هنا qu'est-ce qu'il doit faire parmi les choses importantes تفضل نعم connaître le niveau de ses élèves pourquoi c'est important pour savoir comment il va lui enseigner quel livre il va lui donner أحسنت لأن chaque élève il a un niveau il est motivé Lakin, on ne peut pas tout lui donner. Donc, le professeur, il sait et il doit savoir le niveau de ses élèves, globalement. Mais si on est plusieurs, si les élèves ils sont plusieurs, enfin, le professeur il se base sur le plus profitable, et il akthar. Si un il a un niveau plus élevé que les autres, imma il change de dors, imma il cherche un autre cours. Imma il patiente hatta le niveau il s'élève inshallah il profite. كذلك ماذا استفدنا عندك؟ نعم, il doit patienter sur ses élèves. Les élèves ils sont venus pour apprendre et l'apprentissage ça implique l'application. Donc cet élève il peut avoir des manquements dans la régularité, dans la ponctualité, dans le comportement. Enfin le shir il patiente, allez. كذلك ها تفضل النصيحه نعم النصيحه إفاء النصيحه كذلك لان il faut pas confondre la patience et ne pas faire nasiha la il fait nasiha il patiente لان ربما cet élève il acceptera pas ربما cet élève il se comportera mal donc la patience il faut pas comprendre la patience se taire ou ne pas montrer le haqq la patiente et montre le haq et conseille billati hiya ahsan et tout ça kama taqaddam c'est pour le bien de l'élève celui qui veut du bien à une personne il la conseille ama se taire et ne pas faire attention à lui al haqiqa hada c'est un manque de nasiha c'est un dha'f fi al mahabba donc le cheikh le mudarris il prend soin de ses élèves en leur enseignant هذا العلم et en patientant en leur montrant الطريق عسى الله سبحانه وتعالى أن ينفع بالجميع قال العلامة الشيخ سعدي رحمة الله عليه آداب الطالب أو هذا c'est le titre de الشيخ عبد السلام آداب الطالب الآن il va citer des comportements que الطلبة ils doivent avoir. قال وعلى المتعلم أن يوقر معلمه. Et ça, c'est une des choses les plus importantes. Que cet élève, ce talib ilm, il a choisi هذا الطريق. Et il a choisi هذا الطريق. لماذا؟ لأنه il aime العلم. Ça doit impliquer qu'il aime al-ulama. Et il aime أهل العلم. Il aime طلبة العلم. Qui sont à la al-khayr wal-huda. Donc, il doit respecter. Il doit respecter cette personne qui lui donne ce ilm. بإذن الله عز وجل. وعلى المتعلم أن يوقر معلمه. لأن هذا المعلم, il ne fait pas ça pour l'argent. نحن on est في العلم الشرعي. Il ne fait pas ça pour l'argent, il fait ça لله. هذا المعلم, c'est un محسن pour toi. Et il fait du khayr. Et هذا المعلم, il n'est pas là que pour toi. Donc, il y a des choses où ربما, c'est pas adapté à toi, ou tu n'es pas d'accord, ou tu voudrais que ça se passe autrement, au niveau maintenant des horaires, au niveau de l'intensité des cours, au niveau. Lakin, al-muta'allim, yuqir mu'allim. Il a un husn al-dhanbi. Et bien sûr, avant tout ça, comme on l'a cité dans le dors précédent, il faut choisir le mu'allim qui est à la sunna. Ce mu'allim, ce professeur, ça va impliquer des liens entre toi et lui. Tu dois l'aimer fillah, tu dois le respecter, tu dois lui demander nasiha, vous devez vous entraider, tu dois le conseiller toi-même s'il a des erreurs. Lakin, tout ça avec un mu'allim sunni. Amma avec un munharif, ربما ستغتر به, ربما des liens vont se créer, voilà chaque, c'est ton professeur. Et tu vas accepter son inhiraf ou son dalal. فلهذا العلماء ينصحون بالابتعاد عن أهل الأهواء وبعدم الرجوع إليهم وبعدم الدراسة عندهم. Ça c'est منهج سلفنا الصالح. قال العلامة المحدث حماد الأنصاري رحمه الله تعالى في المجموع في ترجمته: إن أهل العلم ينصحون طالب العلم إذا رحل لطلب العلم أن لا يأخذ العلم عن عالم أو شيخ حتى يعرف عقيدته. Ça c'est le conseil de ulama al-islam. Il conseille celui qui veut faire des efforts, qui veut apprendre, qui emprunte ce chemin, talab al-ilm, il lui conseille awwalan yanzur wa yabhath wa ya'rif aqidat mudarrisih. Il doit connaître ça. Fala yajouz talab al-ilm 'inda ahl al-bid'ah. Li'annaka ta'mur de préserver ton din. Tu dois préserver ton din, c'est wajib alayk, c'est une ni'ma. Et tu dois la préserver. Et tu ne préserveras pas cette aqida, ce din, ce kenz azim, en t'exposant aux shubuhat, en te rapprochant de Ahl al-Bida'. Bel, tu fais que du mal à cette ni'ma que Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné. Hada la yajouz. Et al-salaf al-salih, al-a'imma, ils ont beaucoup de conseils et beaucoup de paroles fi hada al-bab. Et on les a cités plusieurs fois. قال الشيخ حماد رحمه الله: فإن كانت عقيدة سلفية أو عقيدته سلفية أخذ عليه العلم وإن كان خلاف ذلك فلا. Donc c'est cette condition. Ce معلم que tu dois respecter, أخي الكريم, ce professeur que tu dois aimer في الله, tu dois t'entraider معه, il doit être من أهل السنة والجماعة. Ça c'est pour celui qui veut بركة العلم, pour celui qui veut progresser, pour celui qui veut préserver son din. Amma celui qui fait ça pour les gens, ou pour l'argent, ou pour une renommée quelconque, ou pour une place, alors Mama, il utilisera tous les moyens possibles, wal'iyadu billah, walaw, si ce moyen est khalif dinillah. Lianna al-ba'd kama ta'lamoun, ils ont été élevés, éduqués sur un principe batil, wa huwa anna الوسيلة تبرر أو الغاية تبرر الوسيلة. الغاية تبرر الوسيلة. أي la fin justifie les moyens. والعياذ بالله. Ça c'est un mabda khatir. Et pour arriver à son but, il peut utiliser tous les moyens possibles. Il veut apprendre l'arabe, c'est son but. Donc il peut apprendre chez un mubtadi' ou chez un sunni s'il trouve, chez n'importe qui. Hada c'est pas min manhaj al-salaf. Al-ghaya tubarrir al-wasila, ça c'est min mabadi ahli al-kufr wal ilhad. Et nous, on est des ahli sunna muslimoun, mu'minoun, walillahi alhamd. On doit avancer et on doit comprendre ce deen comme ils l'ont compris salafuna as-salih. قال عز وجل فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. Si on a la même aqida que ceux qui étaient avant nous, أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم, on a compris comment ils ont compris ce dîn que le prophète صلى الله عليه وسلم il leur a enseigné, inshallah on sera على الهدى فقد اهتدوا. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. Et celui qui se détourne, qui prend un autre chemin que celui des as-salaf, as-sabiqoun, al-awwaloun, min al-muhajirin ou al-ansar, là il a emprunté, il a pris un chemin de dalal et de inhiraf, wal-iyadu billah. Hada awwalan, le choix du professeur, c'est muhim. Hatta tu peux appliquer ce que Cheikh Saadi va sortir là. Amma, citer des choses hors du contexte et ne pas faire cette précision. Thomas, wahad il te dit, lakin, ce professeur il faut le respecter, etc. Alors que c'est min ahl al-bida', normalement il doit te conseiller ce professeur, tu ne prends pas l'ilm inda. Même s'il a du ilm, même s'il fait des efforts. Léana, on a une condition pour préserver notre dîn, que ce professeur il suit manhaj al-salaf al-salih. قال الشيخ سعدي وعلى المتعلم أن يوقر معلمه. يوقر ça vient de التوقير, ça ressemble à l'ihtiram, et le respect. Il respecte son professeur et il lui donne la place qu'il mérite. Annahu c'est son professeur, Annahu il a plus de ilm que lui, s'il est plus âgé que lui, كذلك c'est un haq. Tout ça طالب العلم il le prend en considération. قال ويتأدب معه غاية ما يقدر عليه لما له من الحق العام والخاص. تقدم معنا le درس précédent, on a vu أن cet élève il a des حقوق, il a des droits sur son معلم. Il s'est déplacé, il l'a choisi comme professeur, il a fait des sacrifices, etc. Donc il a des droits. Et on avait cité que le معلم il doit lui donner son حق, il doit préparer son درس, il doit lui enseigner à sunna, pas à son avis. Il doit patienter, il doit le conseiller. Tout ça, c'est le droit de cet élève. Al-an, le mu'allim kadhalik, il a des huquq. Il a des huquq, des droits sur toi. Et hakada al-muslim. Hakada al-muslim, toujours, il a des devoirs, il a des droits. Il a des choses à donner, des choses à recevoir. Qala, amma al-am. Aïe, al-an. Il a divisé ce chapitre en deux. حقوق عامة وحقوق خاصة. Et des droits qui sont généraux et des droits qui sont plus spécifiques. الآن il va commencer par الحق العام. قال فإن معلم الخير قد استعد لنفع الخلق بتعليمه وفتوى. Donc le premier حق qu'il a sur toi, c'est qu'il prend de son temps. تعلمون أن الوقت نعمة من نعم الله كذلك في حديث ابن عباس نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم يقول نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ. الحديث اللي في الصحيح. Donc le temps libre c'est une نعمة من نعم الله. Ce cheikh, ce mudarris, ce temps qui te donne, ce temps qu'il a consacré pour donner ce ilm que Allah subhanahu wa ta'ala il lui a facilité, tu dois reconnaître hada. Et tu dois sentir hada. Et inshallah ça va te pousser au respect et à aimer ce frère fillah, ce shir, ce savant de la sunna. قال فحقه على الناس حق المحسنين. C'est un muhsin. C'est un muhsin, il fait du khayr. قال ولا إحسان أعظم وأنفع من إحسان من يرشد الناس لأمر دينهم ويعلمهم ما جهلوا. Ça c'est un إحسان عظيم. L'إحسان est traduit par la bienfaisance. Ce shir c'est un muhsin. Et ce إحسان qui fait c'est من أعظم العبادة. أي il enseigne دين الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية. Et il fait da'wa, il fait des sacrifices, il prend son temps, de son temps. Parce que son élève, celui qui assiste, il doit reconnaître. قَالَ وَيُنَبِّهُهُمْ لِمَا عَنْهُ غَفِلُوا. Nasiha, et on l'a cité. قَالَ وَيَحْصُلْ مِنَ الْخَيْرِ وَانْقِمَعِ الشَّرِّ وَنَشْرِ الدِّينِ وَالْمَعَارِفَ النَّافِعَةِ مَا هُوَ مِنْ أَنْفَعِ الشَّيْءِ لِلْمُوَحِدِينَ. نعم, c'est une ni'ma. C'est pour ça que cet élève, il doit s'entraider avec ce professeur. Ils doivent s'entraider fil khayr. Les anna, le profit, il est pour le professeur. Pour le shir, les annahu, il partage son ilm et il est ma'djour. Avec ses dorous, avec cette da'wa. Kadhalik, le profit, il est pour les élèves. Les annahum, ils profitent de ce ilm. Et kadhalik, le profit, il est pour l'umma. Les anna, l'ilm, il se propage. Et le khayr, il se propage. Qala wa liman ata min ba'dihim min dhurriyatihim wa ghayrihim. Na'am. Et fil haqiqa, c'est une préparation pour al-mustaqbal. Kathir ibn al-Nas, il parle toujours de al-mustaqbal, surtout pour leurs enfants, pour la communauté. Al-mustaqbal al-sahih, mustaqbal c'est l'avenir. Et ils veulent préparer, avoir des projets. Ba'd al-Nas, c'est fait dunya, faqat. Amma nahnu al-mustaqbal al-sahih, on le prépare bil-ilm. L'anassis sur ilm, il se propage. Thumma, nos enfants, ils en profitent, les générations. D'après, ils en profitent. La umma, inshallah, elle deviendra plus forte et le khayr se propagera akthar. Qala wa liman ata min ba'dihim min dhurriyatihim wa ghayrihim falawla al-'ilm kana an-nas kal-baha'im fi dhulma yatakhabbatun. Et ça, ça montre fadl hadha al-'ilm. Et fadl ce 'alim qui le propage. S'il n'y aurait pas l'ilm, comme a qala al-imam huna rahimahullah, s'il n'y aurait pas l'ilm, les gens ils seraient comme des baha'im. Et tastafid anna, plus la personne elle s'éloigne du ilm, plus il se rapproche de cet exemple que Shir Saadi l'a cité. Si tu prends l'exemple des kuffars, fasamin adnaz anil ilm shari. Même c'est des kafaras, ils ont rien à voir avec l'iman et l'amal al-salih. Ils vivent qu'un baha'im. Ils mangent, ils dorment, wal'iyadu billah, et leur but c'est que l'argent et les plaisirs de cette dunya. Ils vivent comme des baha'im. C'est pour ça qu'ils ont atteint un niveau fil munkar wa fi al fawahish wa fi al dhalal, un niveau ba'id jiddan. Il y en a, ils n'ont plus de limites, ils n'ont plus de principes. Bel, ils ont inventé des principes qui font qu'ils sont devenus plus égarés et ils sont plus loin que le baha'im. Ils ont inventé des principes, la liberté, l'égalité. Et ils sont libres et ils sont tous pareils. C'est tous des animaux, wal'ayadu billah, et ils sont libres, ils font ce qu'ils veulent. Ils n'ont plus de principe. Cette chose, elle est haram, cette chose, elle fait du mal au din, cette chose, elle fait du mal à l'honneur, cette chose, elle fait du mal au bien. Là, même les choses qu'ils prétendent respecter, c'est que pour leur profit à eux et que pour dunya. Allez, hada, ils font l'un des fawahish et des munkara, fana'udu billah minha. Fana'nu, cette ni'ma, là, on en profite. On en profite, hada l'ilm. قال رحمه الله فلولا العلم كان الناس كالبهائم في ظلمة يتخبطون فهو النور الذي يهتدى به في الظلمات. C'est une lumière. Les gens ils sont في ظلمات et celui qui arrivera à avancer dans son din, à se préserver, c'est celui qui a cette lumière, العلم الشرعي. On est dans un endroit et on est dans l'obscurité et il y a des dangers. Il peut y avoir des dangers sur le chemin, il peut y avoir des animaux féroces, il peut y avoir plein de choses qui peuvent nous faire du mal. Si on n'a pas de lumière, il n'y a aucun doute qu'on sera en danger. Fahakada cette dunya. On est tous dans l'obscurité et il y a des fitan partout. Celui qui sera sauvé, c'est celui qui a l'iman et l'ilm. فلهذا قال ربنا جل وعلا في القرآن العظيم والعصر إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ. Tous les êtres humains sont فِي خُسْرٍ, فِي الظُّلُمَاتِ الْجَهْلِ etc. Tous les êtres humains, c'est ça la base. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا, sauf ceux qui ont cru. الْإِيمَانِ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. Le iman, il est fondé sur l'ilm. لَابُدْ مِنْ عِلْمٍ. Tu vas croire en quoi. وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. لَابُدْ مِنْ نُورٍ. Et ce nour, c'est l'ilm. Tu es obligé de faire des efforts fi hada. Si tu veux sortir de cette obscurité et comprendre ce qui se passe et connaître كيد الأعداء ومكر الماكري, tout ça inshallah بالعلم, tu comprendras plein de choses, tu préserveras ton din بإذن الله et tu avanceras. قال والحياة للقلوب والأرواح والدين والدنيا. نعم, c'est ça الحياة الحقيقية. La vraie vie, celui qui est vivant, c'est celui qui fait des efforts fi l'ilm et fi ibadatillah jalla wa ala. قال والبلد الذي ليس فيه من من يبين للناس امور دينهم ويرشدهم لما ينتابهم مما هم في في غايه الضروره اليه فقد اهله من ضروراتهم ومصالحهم ما يضر فقده بدينه ودنياهم. Et نعم, celui qui est dans un endroit et il y a personne pour lui enseigner, pas de ilm, pas de muallim ala sunna, ha'oula, des choses essentielles, ils ne peuvent pas avoir accès. Ils ne peuvent pas comprendre. Et ça, c'est un aqsa azim. C'est pour ça que celui qui a cette ni'ma, ou alors des doros simples, mukhtasara, ou alors de temps en temps, tant que c'est régulier et il est sincère, inshallah, il avance et il est fini. Il y en a, pense à ceux qui n'ont rien. Ta'alamoun, on a fait barad l'amakin, rubbama akh. من الإخوان يبغى يأخذ الألفابيه وما ما يدري يسبا يلا كونه با يسبا كم أنفير ويا personne pour lui enseigner cette chose minime très simple l'alphabet أمور العقيدة أمور التوحيد comment faire salat comment faire tahara des choses essentielles des fondements dans sa religion. Il est motivé, il est sincère, il veut le khayr, لكن il y a personne pour lui montrer, il a pas les moyens de se déplacer. فهذا il faut qu'il fasse الدعاء. Il faut qu'il fasse un dua. Il y en a sa sincérité, sa motivation avec le dua. Allah subhanahu wa ta'ala yaqul wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraj. Celui qui craint Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala il lui donne un makhraj, une issue, un hal. C'est une ni'ma. C'est une ni'ma hadihi ad-durus al-'ilmiyya ayajib 'alayna al-hifaz 'alayha. On doit faire des efforts pour préserver hada al-khayr avec les invocations, avec les asbab al-shar'iyya. Walhamdulillah. Qala faman kana hadha ihsanuh. Donc tout ce bien, une des causes de tout ce bien, c'est le savant, le sheikh, le mudirris qui propage hadha al-nur. Donc si il fait tous ses efforts fi nashr hadha al-ilm, ta position anta. Qala sheikh Sa'di faman kana hadha ihsanuh wa atharuhu 'ala al-khalq, كيف لا يجب على كل مسلم محبته وتوقيره والقيام بحقوقه. Donc si on a compris هذا, on est obligé de l'aimer لانه c'est un مسلم il est على الخير, et on est obligé de le respecter, reconnaître son rang لانه il fait des sacrifices, et c'est la cause pour propager هذا النور, c'est la cause pour propager ce خير, cette ni'ma. Et celui qui le respecte pas et qui a un mauvais comportement avec lui, fait le haqiqa, il a un mauvais comportement avec ce khir qui est propal. Et ça montre la gravité d'avoir un mauvais comportement ma'a ahl al-ilm. Thumma il a cité haq al-alim al-khas. Na'am. Al-al, des huquq plus précis. Des huquq, les premiers c'était des huquq min hayth al-umum. On doit l'aimer fillah, s'entraider, les annahu il est à la khayr. Al-an, des choses plus précises. Qala amma haqquhu al-khas ala al-muta'allim. Falima badalahu min ta'lim. Na'am. Le sheikh, le alim, le mudirris, il a des huquq khas ala al-muta'allim. Les annahu ce mu'allim, ou ce talib, il profite directement de ce mu'allim. Donc il y a des huquq khass. لأنه يبروفيت ديريكتومون قال فلما بذله من تعليمه نعم لأنه يبرون سون طون بور لو انسيني قال الحرص على ما يرشده ويوصله الى اعلى الى اعلى الدرجات نعم يفي دي زيفور بور كو سو طالب سيت اليف اي بروغريس اي لوي ميم سا دوفيان ان مفتاح للخير سا دوفيان ان داعي الى الله سبحانه وتعالى قال فليس نفع الآباء والأمهات نظيرا لنفع المعلمين المربين للناس بصغار العلم قبل كباره هذا صحيح سحق سو نفع كيلا سور توا اي سو بروفيت كو تو روتير كو تو بروفيت دو سو معلم سي انكور بلوس كو تي بارون لان ربما تي بارون ايزو با تا علم ربما ايتون ايدوكي ان ايدوكاسيون سي با على الاسلام والسنه. Et ils ont un haq tant que c'est tes parents. Al-Nasiha, ou le bon comportement, ou l'Ihsan. Lakin ce mu'allim, son neuf, il est a'zam. Limadha li'annahu, il te donne, et il te montre, et il fait des efforts pour t'enseigner l'Islam. Wa tawhid wa aqidat al-salaf. Bien sûr, en commençant par surar al-ilm, qabla kibari. Et ça, on l'a cité, fi mas'alati al-tadarruj. قال الباذلين نفائس أوقاتهم وصفوة أفكارهم في تفهيم المسترشدين بكل طريق ووسيلة يقدرون عليها. نعم. Donc c'est des وسائل شرعية bien sûr. Donc il prend de son temps. Et تعلمون أن العالم son temps il est مهم. Il pourrait faire des efforts dans la mémorisation, il pourrait faire des efforts dans l'écriture, écrire, il pourrait faire des efforts dans d'autres choses. لكن il connaît sa responsabilité et il sait qu'il doit donner. Enfin, il choisit un temps qui est muhim pour lui. Donc ce temps, il doit être préservé. Et de là, on voit l'importance de que le mu'allim, le cheikh, il veut que ses élèves ils avancent et il n'accepte pas que ses élèves ne font pas d'efforts. Les annahou, ils leur consacrent ce temps dans la journée. Thomas, il voit qu'il n'y a pas de révision. Ça ne vient pas à l'heure. Il n'y a pas de régularité. Ouais, il se dit, Anna, je leur donne ce temps. Alors que ce temps, il est important. Je pourrais faire d'autres choses pour la Ummah. Thomas, il leur donne ce temps. Thomas, Ummah, ils ne profitent pas. Ils ne profitent pas, ils ne font pas d'efforts. Ça, ce n'est pas un bon comportement. L'insan, il pense à lui et il pense à celui qui fait des efforts. Hatta, Inch'Allah, yashtahid. Qala. وإذا كان من أحسن إلي إلى الإنسان وإذا كان من أحسن أنا جي إلي c'est une erreur c'est إلى il n'y a pas les deux petits points قال إلى الإنسان بهدية مالية ينتفع بها ثم تزول وتذهب له حق كبير على المحسن إليه فما الظن بهدايا العلم النافع الكثير المتنوعة الباقي نفعها ما دام حيا وبعد مماته et ça c'est un exemple طيب. Et le ulama, il cite souvent des exemples pour te faciliter la compréhension, pour te rapprocher le masail. Il te cite l'exemple là où, si une personne, elle t'offre un cadeau, de l'argent, ou elle t'offre un vêtement, ou un moyen de transport, à chaque anna, tu vas reconnaître ce fadl, et tu vas être reconnaissant vers cette personne. Allah yashkur Allah, man la yashkur al-nas. Et tu vas l'aimer. C'est pour ça qu'une des causes pour s'aimer entre frères, c'est de se faire des cadeaux. Comme akhbara an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, tahadaw, tahabbu. Faites-vous des cadeaux, vous vous aimerez. Enfin, ça, c'est une cause. Si cette personne, elle te fait ce cadeau, elle va rentrer dans ton cœur, tu vas l'aimer, tu vas le respecter. Et Rabbama, c'est quelque chose de éphémère, quelque chose de tenir. Rabbama, cette chose, elle va rester avec toi un mois, deux mois, un an, deux ans. Famadvan, que dire ce alim qui te donne et qui fait des efforts pour t'enseigner l'ilm al-shara'i. Ça va être utile fi dunya wal akhira. C'est une des causes pour te guider fi dunya wa fi l'akhira. As-sirat al-ma'nawi fi dunya, prendre le bon chemin, et suivre le sunnah, et as-sirat al-hissi fi l'akhira, le sirat pour traverser, pour arriver à l'jannah, incha'Allah ta'ala. Huwa, c'est la cause. Donc son haq il est a'zam et son khayr il est akbar. Qala al-mutasalsil bihasbi hal tilka al-hadaya. Non. Ce khayr, probablement, tu vas propager ce khayr, et après ta mort, les hasanat, elles sont enregistrées. Les annaka kadhalik, t'es une cause. قال فحينئذ يعرف أن له من الحق والتوقير وحسن الأدب والوقوف مع إشارته وعدم الخروج عما أشار إليه مما ينفعه من الأمور التي قد جربها هو. Et ça c'est important. نعم. Suivre ses conseils tant que c'est le haq, bien sûr. لأن التقليد لا يجوز. نحن on respecte أهل العلم et on respecte le haq. Et si un savant il se trompe, tu le respectes tant que c'est un savant de la sunna et tu l'aimes fillah, lakin l'erreur on n'a pas le droit de la suivre. Lakin si te conseille bihaq, tu dois suivre ses conseils. Limadha qala wa adam al khuruj amma ashara ilayhi mimma yanfa'uhu min al umur allati qad jarrabaha, li'anna ce cheikh, ce mudarris lui-même c'est un talib ilm avant toi et il a vécu ce que tu vis, les difficultés du départ. Et il a fait des erreurs, ces erreurs que tu fais l'un, Rabbama. Et où il te conseille? Matala, ne fais pas telle chose, avant telle chose. Et Allah, il est passé par là. Ce livre, c'est mieux de l'apprendre que celui-là. Les Annahu, il est passé par là. Fa anta bi hadha al-hal, profite. Profite, les Allah, il est passé avant toi. Et il a vu, kadhalik, en tant que talib, il a vu des frères qui étaient avec lui et qui ont mal fait les choses, qui ont fait des erreurs. Et où il te conseille pour pas que tu fasses comme eux. Ah là, c'est mohim. Aïe, tu profites de son expérience. Ah là, c'est. Ah là, kadhalik, c'est important. Qala, wa huwa a'rafu biha minhu min kayfiyat at-ta'lim wa nahwaha ma laysa li ghayri. Hatta fi ad-dunya, si tu veux avancer dans un domaine, tu es obligé de profiter de l'expérience des autres. Celui qui a de l'expérience, c'est pas comme celui qui a pas de l'expérience. Et c'est tout à fait normal. Fait l'ilm, كذلك. Ulama sunna, ça fait 30, 40, 50, 60 ans, ils ont fait l'ilm, ils ont vécu des choses que tu ne peux même pas t'imaginer. Ils ont atteint un niveau que tu peux, Obama, ne pas comprendre. Ils ont vécu des choses que tu n'as pas vécues. Ils ont connu des situations que Anta t'as pas connues. Enfin, tu profites. Tu profites, les Annahu, c'est un savant de la sunna, et c'est un nasih, et il veut ton bien. Amma faire les choses seul et vouloir comprendre les choses seul et s'entêter sur ses positions, si c'est khata, ça te fera que du mal. Tu crois avancer et fais le haqiqa, tu tournes sur toi-même. Si tu fais pas demi-tour. Hada, kadalik, c'est important pour talib al-ilm. Profitez de ceux qui étaient avant vous. Profitez des savants de la sunna. Profitez de ceux qui ont fait des efforts. Kadalik, on peut citer ici la lecture de la biographie des salafs. Et qabla dhalik des compagnons, et qabla dhalik des rasoul ou l'anbiya. Tu profiteras. Tu profiteras des choses qui leur est arrivées, et anta tu diras que, Rabbama, tu seras dans une situation similaire ou proche. Et tu profites. Comment ils ont fait? C'était quoi la solution? C'est important, dit. Ça nous montre que dhalik, si tu sais pas, ou tu as un doute sur quelque chose, tu demandes. Tu demandes, il a ahl al-ilm. Avec un bon comportement, une question utile, une question que tu as besoin, et ne pas multiplier les questions sans faïda. Ah là, il n'y a pas de neuf. Et un shaitan, il te fera perdre du temps et tu auras toujours une question. Là, dès que tu connais tariq, avance. Avance, fais des efforts. Fais des efforts fi hifd al-Qur'an, fais des efforts fi hifd al-Mutun, fais des efforts fi hifd shay min as-sunnah. Fais des efforts dans les révisions, dans la lecture. C'est comme ça que tu avanceras. Les questions, il y en a beaucoup. Laquelle, c'est pas toutes les questions qui se posent. Et on avait traité ce sujet, walillahi alhamd, sur les questions. Thumma qala Cheikh Abdus Salam, il a mis comme titre Ihtiramul Alim. Naam, ay respecter l'alim. Tout ce qu'on a vu, ça traite ce sujet. Laquelle, il va approfondir akthar. Ay, un, il va citer vraiment des comportements que le talib il doit avoir avec son shir. Ce qu'on vient de dire, c'est comme une introduction. Awalan, anta en tant que talib, wallahi alhamd, t'aimes les savants de la sunna. Li annahum c'est warathatul anbiya. Warathatul anbiya comme ja'a fil hadith. Al ulama. Kadhalik, Allah subhanahu wa ta'ala yuhibbuhum. Allah il aime les croyants et il aime les savants. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. الله سبحانه وتعالى il les a élevés en degré. الله سبحانه وتعالى il nous a ordonné de revenir à eux. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر أي أهل القرآن أهل السنة العلماء. كذلك الله سبحانه وتعالى il nous ordonne de l'obéir. Dans l'obéissance d'Allah. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. Donc cette personne, Allah l'a élevé, il t'ordonne de lui obéir fi ta'atillah, il t'ordonne de revenir à lui. C'est les héritiers des prophètes. Tu dois les aimer. احذر احذر أن تطعن في عالم من علماء السنة. C'est une porte d'égarement. قال طاووس ابن كيسان رحمه الله تعالى من السنة. لأن نحن أهل السنة. Et on le répète souvent. أن السنة والسلفية c'est pas une étiquette. T'es un sunni, t'as une apparence de أهل السنة et tes œuvres ça suit pas, ton منهج ne suit pas. السني قال طاووس بن كيسان من السنة أن يوقر أربعة. Tu dois respecter quatre personnes si t'es un sunni حقا. قال العالم le savant. Tu dois le respecter. Il a fait des sacrifices, il a fait des efforts. Et une erreur d'un savant, ça ne veut pas dire qu'on ne le respecte plus. Tout le monde fait des erreurs. Lakin, al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam akhbara anna al-Hakim idashtahad. Et le savant, il rentre fi hadha al-hadith annahu idha ishtahada fa akhta falahu ajr. Et bien sûr, si il a juste dans son ijtihad, il a deux récompenses. Et s'il se trompe, il en a une. Donc il est récompensé à la kulli hal. Un savant, il fait une erreur. Khalas, c'est un munharif, c'est un dal, on le délaisse. Cette erreur, elle ne le fait pas sortir de sunnah. C'est un ijtihad. Min ijtihadat al-ulama. Si tu fonctionnes comme ça, akhil karim, tu ne laisseras personne. Et on le voit, inda ba'd al-nas, wal-iyadu billah, ils ont un roulou, adib. Et shughluhum ash-shaghil, ils sont occupés que par ça. Foulan il a fait une erreur, Foulan il a fait une erreur. Et lui-même il a des erreurs, lui-même il ne fait pas d'efforts fi dinillah, fi l'ilm al-shara'i. Et tu le trouves, cette personne avec ce comportement, qui ne connaît pas manhaj al-salaf, ça devient une source de fitan, lui-même. C'est que des fitan qui sortent de sa bouche. Lianna, son objectif ce n'est pas le khayr. Nahnu, on conseille, profite des savants. Un savant, l'an, wallah, l'ham, mawjoudou, le khayr il est mawjoud, les contemporains ou ceux d'avant. Profite, akhi al-karim, profite fil aqida, profite fil al-manhaj al-sahih, profite fil fiqh, profite dans les comportements, profite fil jarhi wa ta'dil, tout ça jusqu'à que, inshallah, tu sois ala al-khayr wa al-huda. Amma, tu prends qu'une partie du din, et cette partie, elle est façonnée par rapport à toi, et tu fais comme tu veux, c'est la porte des dégâts. Al-hada ba'd al-nas, c'est, comme on l'a dit, des sources à problèmes, à fitan. Amma pour da'wah, pour propager le tawhid, pour donner des cours aux frères, pour faire avancer les choses, tu ne trouves pas beaucoup de monde. Et pour le qil wal qal, et les fitan, et Fulani l'a dit, et on m'a dit, ça se propage très vite. L'imad, le shaitan il embellit ces choses. Rabbama, une porte de khayr à la base, shaitan il l'embellit pour égarer ba'd al-nas. Et l'exemple de Khawarij, il est wadih pour tout le monde. Annahum, soi-disant, leur ghayra pour din, et ils aiment din. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a informé leur salat, leur siyam, ils sont plus que siyam et salat de sahaba, c'est un bébkhir à la base. Ils font des efforts dans l'adoration à la base, ils se sont égarés. Les ma'adali, elle a ses efforts, ils ne sont pas revenus à qui? Au savant de la sunna. Al-Hadha ibn Abbas, quand il a fait le munadara ma'ahum, il leur a démontré, il n'y a personne min al-sahaba avec vous. Et min ahl al-khayr, min al-ulama. Vous êtes tout seul. Ça montre que vous avez ouvert un bab al-dalal. Donc ce n'est pas tous ceux qui font des efforts, qui veulent le khayr, qui arrivent au khayr. Ça c'est important. Enfin, anta, pour arriver à ce khayr, à cet objectif, tu as un chemin. C'est manhaj al-salaf. Et ceux qui vont te montrer ce manhaj, c'est al-ulama. Fahdhar que tu ne fais pas les choses seul. Al-imam Ahmed, rahmatullah alayhi, yaqul, ou kana yaqul, ihdhar, et fais attention de ne pas prononcer sur une mas'ala et tu n'as pas d'imam ma'ak, tu n'as pas un savant de la sunna ma'ak, ihdar, tu ouvriras des portes d'égarement. Tu citeras des choses que personne n'a citées avant toi. Et din il est kamel. Si tu cites des choses que personne n'a citées avant toi, c'est un bœuf d'égarement. Sois sûr. La vérité, elle est claire. Elle m'attend une chose que personne n'a citée, c'est un bœuf d'égarement. Dans din, il n'y a pas de bid'a. Dans din, il n'y a pas d'invention, il n'y a pas de découverte dans din. Ad-din, c'est qu'Allah, Allah, qu'Allah, Rasoul. Tout est clair. T'arrives à prendre, prends. T'arrives pas, fais des efforts, fais l'ilm. قال طاووس بن كيسان رحمه الله من السنة أن يوقر أربعة. Tu dois respecter quatre personnes, quatre genres de personnes, quatre catégories. العالم تأمل إلى cité le savant en premier. لأنه son حق il est أعظم et son خير il est كبير. قال وذو الشيبة أي les vieilles personnes. الشيبة c'est les poils blancs. كذلك tu dois le respecter. Il est vieux. Obama, il n'a plus toutes ses capacités mentales. Il a des faiblesses, tu le respectes. Et s'il se trompe, tu le conseilles. Qala wa sultan al-amir, le gouverneur. Kadhalik, tu le respectes. Li'annahu, il fait des efforts et il se trompe dans certaines choses. Lakin, ses erreurs, ça ne fait pas de lui un kafir et ça n'implique pas al-khuruj. Et l'insulter, le critiquer. Bel al-tawqir. Chaque chose a sa place. Un sultan, que ce soit un roi, un président, un mas'oul, ce n'est pas une personne du commun. Et comme une personne que tu croises tous les jours dans la rue. Là, il a une place. Et toucher à ce sultan, ça affaiblit ce pays musulman. Et c'est ce qu'ils font, Al-Kafar. Vous avez remarqué, avec le printemps arabe, qatalahumullah, ils ont touché à ce principe, à ce sultan. Et ils ont monté les foules des pays arabes, khassa, contre leur gouverneur, ces peuples, ils ne donnaient plus aucune importance à ce gouverneur. Hatta, ils se sont autorisés des choses, l'insulter, le critiquer, l'accuser, Thomas sortir dans la rue, manifester, et à la fin des milliers de morts. Et ce sultan lui-même, Obama, il est mort, où ils l'ont chassé, etc. Tout ça, c'est pas min alamat sunni. Ça, c'est min alamat ahl al-bid'ah. La preuve, c'est que ça vient des kuffars. Tout ce qui vient des kuffars, ne crois pas que c'est pour ton bien. Abadan. Kuffars, ils veulent te donner cette démocratie, ils veulent te donner ce printemps arabe, cette liberté. Tout ça, ça serait du khair et t'aurais pas senti l'odeur. T'aurais pas senti l'odeur de cette chose. Il y en a beaucoup de choses, c'est du khair, fit dunya, ils te le donneront pas. Ils essayent de le cacher. Amma, dès que tu vois qu'ils essayent de t'imposer une chose, y'alam que c'est pour leur profit à eux. Amma, nasiha Taous bin Kaysan, min a'immat al-sunnah. C'est exactement le contraire. On respecte un sultan. Qala wal walid. Kadalik, les parents. Tu respectes. Les madha, les annahum, ils ont un haqq alayk. Ils ont un haqq azim alayk. Ils ont fait des efforts. T'étais rien. Tout le monde, ils ont fait des efforts. T'étais petit. Tu faisais des choses. Ils devaient patienter. Ils t'ont éduqué. Et à la fin, al-shukr, c'est adam al-ta'a. Et c'est un mauvais comportement. Ce n'est pas mina taufir. Même si c'est des koufars. Même si c'est des koufars, le bon comportement, le respect, le kalam al-tayyib, la da'wa, des cadeaux. Europama, tu deviens une cause que ce parent, Inch'Allah, il rentre fiddi. Et Inch'Allah, tu auras fait un khair azim à ce parent, à ce proche. Ça, c'est muhim. Ce athar, il est tayyib. والشيخ ابن عثيمين يقول نقرأ كلامه لأنه طيب يقول وبتوقير العلماء توقر الشريعة c'est vrai en respectant en aimant ce savant في الحقيقة tu respectes et tu aimes الشريعة لأن pourquoi نحن on respecte les savants on aime les savants on dit aux gens de revenir les savants لأنه il propage le dîn et il a cette chose que beaucoup de gens ils ont pas c'est العلم. C'est pour ça, mais c'est pas parce que c'est une personne de notre famille ou de notre pays ou on le connaît. Abadan. Qala li'annahum hamiluha wa bi'ihanati al-ulama tuhana al-sharia. Celui qui critique, qui attaque, qui accuse al-ulama, en fait, il fait du mal et c'est comme s'il attaquait le din. Exactement comme pour dunya avec les gouverneurs. Celui qui attaque les gouverneurs et les critiques, il fait du mal à son din et à dunya, kadhalik. Et on l'a vu avec tout ce qui s'est passé. Qala, لأن العلماء إذا ذلوا وسقطوا أمام الناس دلت الشريعة. C'est ce qui se passe là. بعض الناس ne donnent plus d'importance à la sunna. لأن عندهم les savants, ils ont été touchés, ils ont plus de poids. فما بالك ceux qui viennent après les savants. قال ولم يبق لها قيمة عند الناس. أي الشريعة وصار كل إنسان يحتقرهم ويزدريهم فتضيع الشريعة. فنحن on doit pas faire partie de هؤلاء. هؤلاء كثير منهم c'est des جهال أو c'est des كفار أو ils font partie de أهل البدع. فيطعنون في العلماء. أما نحن لا. Et tu comprends de tout ce كلام أن ceux qui veulent faire du mal au din ils s'attaqueront à علماء السنة. إما بعضهم والعياذ بالله كالكفار الواضحين يساتك directement au الرسول et au القرآن للانسولت يسمك et بعضهم خاصة من أهل البدع والأهوى والشر ils toucheront pas directement au prophète صلى الله عليه وسلم et au القرآن لكن ils critiqueront ceux qui propagent منهج النبي صلى الله عليه وسلم et منهج القرآن ils touchera au savant de la sunna فاحذر c'est un باب خطير احذر من هذا. Respecte toujours le savant de la sunna et écarte-toi toujours de Ahl al-Dhalal ou al-Bida' même s'il prétend être un savant. Comme ça, inshallah, tu préserveras ton din. Hayyakum Allah, man indahu shay aw sa wadih. Risala li haqiqa li simple. Nahnu nessaye de allaq pour faciliter des exemples. Amma al-kalam il est wadih jiddan. Subhanak Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. مع تحية دماج افاق.com